Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le travail du poète, c'est de rassembler le trésor éparpillé. Cette semaine, Jérôme Prieur. Je pense souvent qu'en s'intéressant à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou il y a 2000 ans, on parle très profondément, très précisément de ce qui est important pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. De l'image à l'écrit, une invitation, deuxième partie. Il s'occupe aussi de littérature, d'histoire, etc. Donc il y avait des horizons de recherche qui étaient pour moi inconnus au moment où on a contacté Jérôme Prieur. Lors du premier semestre de cette année, nous avons eu l'occasion de vous donner à entendre un événement, la rencontre organisée en 2016 à l'École Polytechnique de Zurich avec l'auteur-réalisateur Jérôme Prieur. Hier, celui-ci revenait sur son travail autour d'Antonin Artaud et du mur de l'Atlantique. Aujourd'hui, d'autres pistes où les films, les extraits présentés ouvrent vers des interrogations. Ainsi, cette question. Y a-t-il un désir de croire ? Et de quoi celui-ci peut-il être constitué ? Ce qui est tout à fait frappant, c'est quand vous regardez l'évolution de l'archéologie depuis ces 30 dernières années, ça a été marqué véritablement par une révolution, par un bouleversement. Les données ont été complètement renouvelées depuis une trentaine d'années, que ce soit dans les domaines de la religion gauloise, des temples gaulois, de l'armement, de l'étude de la société, de l'étude de l'économie. Notre documentation a été complètement renouvelée. Mais les images sur les Gaulois, elles restent les mêmes, elles ne bougent pas. On continue à s'imaginer le Gaulois avec ses grosses moustaches, son casque avec des ailes, vivant dans ses cabanes. C'est l'image qu'on a des premiers livres d'histoire d'avant la guerre de 14-18. Ça, je trouve que ça soulève des choses qui continuent encore à nous parler et qui font que Vercingétorix, je dirais, occupe une place importante dans notre imaginaire, plus que dans la réalité. Je pense que c'est là où il a sa place, pour nous en tout cas. C'est le fameux tableau de Lionel Royer, qui s'appelle « Vercingétorix jetant ses armes aux pieds de César » et qui était peint en 1899. Jérôme Prieur, auteur, réalisateur. Ce qui m'a beaucoup surpris de la part des... Ce sont essentiellement des archéologues, là, sauf le Christian Goudineau qui allait parler et qui allait dire que, en lisant le texte de César, en lisant en latin, évidemment, il dit que c'est impossible. Il dit que c'est impossible parce que c'est impossible qu'un ennemi, avant d'être vaincu, rentre dans le camp adverse sur un cheval avec ses armes et tout ça, que c'est impossible, et que si on lit le texte de César, au lieu d'y projeter ses désirs, on voit que le texte de César dit très clairement que Vercingétorix, non pas se livre, mais est livré. Voilà, et qu'il est livré, et sans doute par d'autres Gaulois. Bon, enfin, on rentre pas dans cette discussion-là, mais... Je pensais que c'était un peu un artifice de montrer à ces historiens et surtout à ces archéologues cette peinture de la toute fin du 19e, cette peinture qui est contemporaine de l'invention du cinéma et qu'ils allaient un peu ricaner comme on peut ricaner devant des images par trop fictives. Et bon, vous avez vu comment ils sont. Ils sont pas dupes et en même temps séduits, touchés par cette image, à tel point que au lieu de faire un film, je devais faire un film, j'en ai fait trois, ce qui ne m'a pas valu que des amis, parce que je trouvais ça tellement intéressant que j'ai forcé mes commanditaires à me permettre de faire trois films, mais que cette partie de l'entretien avec chacun des archéologues et des historiens était tellement riche que j'ai repris ce dispositif à chacun des deux autres films. C'est-à-dire qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Enfin, ils savent que c'est pas vrai, c'est comme au cinéma, ils savent que c'est pas vrai. Ils savent bien, par exemple, que les chevaux gaulois sont des petits chevaux. Il y a l'un des archéologues qui explique dans un autre film que s'il avait fallu représenter de façon réaliste Vercingétorix sur son cheval, il disait que ses pieds auraient pu quasiment traîner par terre, enfin, bon, ce qui détruit le mythe. Et en même temps, il est touché par cette image flamboyante et littéralement impossible. Voilà. refuser ce qui est vraiment la commande. Enfin, la chose, on dit, vous allez faire ça, vous auriez envie de faire ça, et tout ça, si ça ne m'inspire pas du tout, c'est difficile, parce que quelquefois, il faut bien gagner sa vie, et tout ça, mais on se rend compte que... Enfin, moi, je me rends compte que c'est complètement un piège. C'est-à-dire qu'on va passer beaucoup de temps sur quelque chose dont on ne sera pas heureux, dont on ne sera pas fier, qui n'aura pas de sens pour vous, et donc... J'ai un peu fait ça une fois ou deux et tout ça. Je me suis dit, ah non, il faut vite que je fasse autre chose. J'écris, je fais des petites corvées, des scénarios, des choses comme ça. Mais il faut que quand je faire un film ou faire un livre, mais c'est pas les mêmes enjeux économiques. Faire un film, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, il faut que ça rencontre profondément le désir qu'on a de faire quelque chose. Mais je pense que dans des tas d'autres professions, c'est de la même manière. Du texte à l'image, séminaire du réalisateur Jérôme Prieur à l'EPFZ en 2016. Il y a des occasions plutôt qu'on saisit, il y a des choses qu'on porte en soi et puis on a beaucoup de mal à les faire. Le mur de l'Atlantique, je portais ça, puis j'ai attendu 10 ans avant de le faire. René Char, cher René Char avait ses 100 ans. Et on m'a dit, un film sur René Char, est-ce que ça t'inspire ? Mais c'est tout, la commande, elle est très vague, quoi. Donc, il y a un moment, on s'empare de l'objet. Proust, au départ, c'était la demande de faire une petite biographie, le film, une petite biographie de Proust. Et donc, j'ai dû raconter ça, que j'avais envie depuis des années de voir comment... les contemporains de quelqu'un, d'un grand homme ou d'une grande femme, on parle. Et donc, je me suis dit, je vais faire ça avec Proust. Et puis bon, finalement, le film, je l'ai réalisé. Puis finalement, après avoir réalisé le film, ça m'a donné l'envie d'écrire un livre. Et puis voilà, de fil en aiguille. Tout ce qui concerne l'histoire du christianisme, tout ça, c'est au contraire, c'est malgré un peu de l'adversité, l'opposition, l'hostilité au début de la chaîne de télévision. Enfin, même si Arte après se félicitait d'avoir diffusé ce programme, mais il y a des histoires différentes à chaque fois. Voilà. Le film que vous allez voir ce soir, c'est anecdotique, mais j'étais à Londres. Et puis tout à coup, je reçois dans la rue un coup de fil de quelqu'un que je connaissais pas, une productrice comme ça, qui me dit « Voilà, je pense à un film autour de ça, on me dit que c'est tout à fait pour vous et tout ça. » Alors j'étais très prudent parce que je savais pas très bien qui me proposait ce projet, parce qu'il n'y a pas que le projet. Derrière, il y a des contraintes, il y a des choses que je veux pas faire, voilà. Coloriser l'image aujourd'hui, ça devient une espèce de règle. Enfin, et moi, les images que vous voyez dans les films qui sont en couleur, elles sont réellement en couleur. Je les colorise pas. Peut-être que vous trouvez que des images colorisées, c'est mieux que des images en noir et blanc, mais moi, j'ai du mal, quoi. J'ai décanté un peu tout ça, mais en même temps, dans ce coup de fil inattendu, j'ai eu comme ça cette proposition de Berlin 1936, tout à coup ça rejoignait en moi un sujet de curiosité. Je me dis, comme vous, si vous êtes un peu féru d'histoire, mais pourquoi, mais diable, pourquoi en 1936 le monde entier est allé jouer aux Jeux Olympiques chez Hitler, quoi. Donc j'ai voulu essayer de trouver la réponse. Voilà. L'exploit extraordinaire, inégalé, de Jesse Owens, 4 médailles d'or à lui seul. La grâce de cet athlète exceptionnel, sa modestie aussi et son sourire désarmant, nous nous en souvenons presque avec joie. Avec un immense soulagement surtout, comme si Owens lavait la tache de la participation aux Jeux Olympiques de Berlin en août 1936. Comme si le jeune champion du monde était notre champion et qu'il avait écrasé, sportivement, le monstre nazi. L'exploit de Jesse Owens est incontestable, mais cette belle histoire à laquelle nous voudrions croire n'est qu'un arrangement avec la réalité des choses. Une fiction dans laquelle le sport a été un alibi, les jeux, un jeu avec les apparences. Extrait des Jeux d'Hitler, Berlin 1936, de Jérôme Prieur. Je retrouve là... espèce de sidération qui m'a saisi quand la possibilité de faire ce film s'est présentée à moi. Sidération qui est sans doute la vôtre, qui est de se dire mais pourquoi le monde entier est allé dans les bras d'Hitler à Berlin jouer aux Jeux Olympiques, quoi. Quelle drôle d'idée, quoi. Et puis quand on voit toutes ces images, on se rend compte que la terre entière, à part quelques consciences qui ont essayé de se révolter et d'enrayer la machine, mais la terre entière, par lâcheté, par faiblesse, par fascination, a cédé à cette sidération. Et le meilleur exemple de cette sidération, pour moi, c'est de voir les images de ces Jeux qui nous rappellent toutes les images des Jeux Olympiques qu'on a vues depuis. Ces grandes messes, ces grands spectacles, ces grandes fêtes, enfin, il y a ça qui est mis en place par les nazis. Mais alors de voir cela et de voir en même temps, sans arrêt, moi ça m'étonne plus maintenant parce que je connais ces images, mais je pense que la première fois qu'on les voit, c'est très fort, de voir sans arrêt ces images, ces sportifs, ces compétitions, cette grande fiesta, etc., est défiguré par le drapeau à croix gammée, quoi. Ça fait un effet. Je pense que ça fait cet effet-là. L'autre chose qui fait un effet très impressionnant, c'est de voir que il y a le film de Leni Riefenstahl qui se confond, comme je le dis dans le commentaire, dans la voix, enfin, grâce à Denis Podalydès, il y a le film de Leni Riefenstahl qui se confond avec notre souvenir. Nos souvenirs, nous n'étions pas au jeu de Berlin en 1936, mais nous avons l'impression d'avoir vu ces images, de savoir ce qui s'est passé, d'être sauvés par les exploits de Jesse Owens. Mais alors, ce que j'imaginais pas, et ce que sans doute vous n'imaginiez pas non plus, c'est à quel point ça a mobilisé tout le pays, à quel point ça a mobilisé l'Allemagne, enfin, plus que les visiteurs étrangers, quoi. On sent que cette opération de communication, on dirait aujourd'hui, de propagande, elle a été d'une très très grande efficacité, moins tant par rapport aux pays étrangers, aux grandes nations étrangères qui y sont allées par lâcheté, hein, que par rapport aux Allemands, quoi, que ça a soudé l'Allemagne. L'espèce de métaphore secrète qu'il y a dans le film, c'est le joueur de Hamelin, quoi. Cette légende qui me rappelle, enfin, Hitler, comme ça, Hitler et ça. Et sa bande, quoi, qui envoûte littéralement tout un pays, quoi. C'est ça qu'on voit à la faveur de ces Jeux Olympiques, quoi, j'ai l'impression. Et dans ces images, on voit des gens nocifs, mais on voit aussi des gens qui ont des visages qui nous sont proches. Enfin, on aimerait les connaître. Enfin, et tout à coup, on les sent saisis par quelque chose qui les aspire, qui les envoûte. 500 guides et traducteurs ont été recrutés. La police berlinoise s'est entraînée à parler anglais, français, espagnol. Le comité d'organisation allemand a éduqué les Berlinois à la patience et à la politesse, jusqu'à l'art de céder sa place dans le métro. Les inscriptions anti-juives ont été effacées, les affiches arrachées. Le journal antisémite Der Stürmer, qui se signale par sa haine, est enlevé des coins de rue. Tous les prix augmentent en Allemagne, car la viande, les légumes, les fruits, tout va à Berlin, qui doit avoir l'air du pays de cocagne. Berlin est à présent un magnifique lieu d'échange où l'on peut se sentir chez soi, écrit la correspondante du New Yorkers, Janet Flanner. Le quartier de Kurfürstendamm est maintenant peuplé de restaurants et de cafés. À la demande du gouvernement, les maisons ont été repeintes et les fuchsias ornent les fenêtres, spécialement celles qui sont sur la route du stade. Extrait des Jeux d'Hitler, Berlin 1936, de Jérôme Prieur. Les Berlinoises ont le droit d'avoir à leur robe un ourlet de 5 cm plus court qu'avant. Les journaux étrangers sont réintroduits en ville, le jazz aussi. Depuis quelques mois déjà, l'objectif officiel est de rassurer. On demande même aux diverses polices omniprésentes de restreindre le port de l'uniforme pour ne pas effrayer les visiteurs. Le centre de la Kripo, la Kriminalpolizei des JO, est maquillé en centre d'information. Seules des femmes y travaillent. Tout n'était pour un temps que douceur et lumière, à l'exception de rares diatribes contre les bolcheviks, note le journaliste américain William Shirer. Auteur, réalisateur. La différence entre un livre et un film, c'est que un livre, il n'y a pas de limite de temps. Quoi. On peut y travailler une vie, on peut y travailler des années. Alors qu'un film, il y a des limites parce que il y a de l'argent qui est engagé. Il y a des gens avec qui vous travaillez, qui travaillent avec vous. Et donc, bon, j'ai eu la chance d'avoir un documentaliste, un assistant comme ça, que j'ai fait écumer les cinémathèques, surtout en Allemagne, où ces films amateurs sont de plus en plus rassemblés. Enfin, il y a quelques années, on les négligeait, on les jetait, et maintenant, de plus en plus de gens, de familles, ont conscience que dans ces petites, ces bobines de 8 mm, de 9 mm 5, de 16 mm, de films en couleur, hein, vous avez vu, j'ai rien colorisé comme d'habitude, mais il y a des films en couleur. Il y a des pépites, enfin, et bon, ça m'a fait aussi réaliser que, contrairement à la France, la situation suisse, je ne connais pas suffisamment pour en parler, mais que contrairement à la France, en tout cas, il y a une grande culture technique en Allemagne, et que donc beaucoup de gens sont équipés de petites caméras amateurs avant la guerre, dans les années 35, 36, enfin même avant, hein, puisque je commence l'histoire en 1933, et que ces films sont faits par des cinéastes inconnus, mais qui sont vraiment des cinéastes qui savent filmer. Et donc, là, il y a eu cette chance extraordinaire, parce que ça nous permet de voir ce que d'habitude on ne voit pas, hein, toute la préparation des jeux, toute la situation de l'Allemagne avant 36, mais aussi le village olympique, l'arrivée des équipes, les spectateurs, etc., etc. Et donc, je pense que on ne se rend pas compte, quoi, de la différence des sources, et que le film redonne du temps à cet événement. Cet événement, il a été transformé en icône. Grâce au talent, parce qu'elle a un énorme talent, Doline Riefenstahl. Il y a beaucoup d'images qui ne sont pas dans son film, mais qu'elle a tourné parce qu'elle avait des moyens considérables. Mais on en a fait une icône, elle aussi, comme si finalement, en dehors de ses sympathies pour les nazis, elle n'était pas une propagandiste du national-socialisme, ce que je trouve complètement faux. Mais du fait de son talent, ça a effacé le regard critique qu'on peut avoir sur ces images. Mais ce qui est formidable dans ce film, c'est d'avoir pu combiner à ces images des images tournées par d'autres, par des amateurs en règle générale, et qui reconstituent une durée. Je prends un exemple quand on voit le parcours, mais l'arrivée au moins de la flamme olympique dans le stade, en général, on ne voit que les images, que quelques images qui sont celles magnifiques de Doline Riefenstahl, mais voir tout le mouvement, enfin le cinéma c'est du temps, et donc voir tout le temps que ça prend, ça donne à cet événement une force que ça n'a pas sinon. On est dans le lieu, on est à cette époque à ce moment-là, je trouve. Et puis bon, vous avez vu comment, de façon un peu ironique, je confronte l'espèce de d'ambiance de fête foraine un peu ratée qui a présidé au lancement des Olympiades en Grèce, hein, etc., etc., avec ces images de coureurs qui sont absolument pas des beaux athlètes comme ceux que Leni Riefenstahl aime filmer, et puis comment elle refait cette mise en scène. C'est un film pour moi sur la mise en scène, enfin dans sa dimension la plus esthétique, mais aussi la plus politique. Enfin, comment un pays est mis en scène, voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on perçoive dans le film. Les manifestations de milliers de personnes à New York et ailleurs dans les grandes villes aux États-Unis ne servent à rien. Pas plus que la mobilisation des partisans du boycott au Canada, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Norvège, en Suède, en Tchécoslovaquie, en France, en Espagne, où est même lancé le projet de contre-olympiades, des olympiades populaires qui devront avoir lieu à Barcelone. Aucune des grandes puissances ne veut risquer de crise diplomatique avec l'Allemagne. Les États s'en remettent au CIO et les adversaires des Jeux de Berlin n'arrivent pas à stopper la machine olympique qui est en marche. Je sais que dans la mémoire collective, il y a Jesse Owens, quoi. Heureusement, il y a Jesse Owens. Et donc, à un moment du montage du film, voilà, j'étais assez chronologique, et donc Jesse Owens arrivait aux deux tiers du film, si vous voulez, avec les compétitions, mais comme celui qui subsume les compétitions, qui les résume, qui les glorifie, voilà. Et puis, un petit jeune homme, j'ai pris un petit stagiaire comme ça, qui était en troisième, enfin je sais pas à quoi ça correspond ici, un jour dans ma salle de montage, il venait faire un stage dans la maison de production, puis il est venu dans ma salle de montage, puis je lui ai dit, qu'est-ce que ça, tu connais les jeux de 36, ça te rappelle quelque chose? Puis à ma grande surprise, bon, il était un peu pétrifié parce que je l'impressionnais, mais quand même il se lance, il me dit, oui, Jesse Owens, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, voilà la solution. Il faut que je commence le film par l'histoire de Jesse Owens. Je montre ses, quasiment toutes ses victoires. Enfin, il y a les éliminatoires, mais je montre ses victoires. C'est-à-dire que je me débarrasse, si j'ose dire, du cliché au début. Hitchcock disait, il faut toujours commencer un film par The Black Limousine qui arrive sur le pavé luisant, etc. Bon, ben là, c'est la même chose. Le cliché, c'est Jesse Owens. Enfin, le cliché, ça veut pas dire que c'est faux, hein, et que sa victoire a pas été étincelante. Et vous verrez dans le film, je dis mon émotion, notre émotion devant cet homme si extraordinaire et si naturel et si charmant, enfin voilà. Et donc je commence par ça en disant que d'une certaine façon Jesse Owens a été notre champion. Grâce à lui, on est sauvé de la honte, quoi, de cet épisode. Il y a pas très longtemps après le film, puis j'ai un peu le défaut de continuer à lire, à me renseigner, à m'inquiéter après que j'ai fait les films. Les choses sont pas fermées une fois que j'ai terminé le film. Je lis un gros livre de, je me souviens plus le titre, de Gita Sereni, cette journaliste autrichienne qui a interviewé Albert Speer, fascinée et passionnée, quoi, par le nazisme, c'était une jeune fille qui était autrichienne. Très vite, d'ailleurs, elle s'en va, elle quitte son pays, elle se révolte même quand elle voit le médecin de la famille humilié, obligé de récurer le sol à Vienne. Enfin, du haut de ses 14 ou 15 ans, elle se révolte, etc. Mais elle raconte, c'est le début de son livre, sa famille, son père l'avait envoyée en Angleterre faire des études, elle avait 12-13 ans, et puis elle revient en Autriche, elle passe par l'Allemagne, et là, le train a un problème, et un problème à Nuremberg. Et c'est une jeune fille, il y a peut-être d'autres jeunes filles avec elle, et ces jeunes filles sont prises en charge par la Croix-Rouge allemande. Et on les emmène au congrès du parti, à la fête du congrès du parti. Et elle raconte qu'elle est éblouie, et qu'elle lève le bras et tout ça, elle est éblouie. Et cette jeune fille, on voit très bien qu'un an après, enfin, elle a déjà la tête bien faite, et qu'un an après, elle est absolument anti-nazie. Mais elle raconte cette séduction, cette fascination. Et je crois que la clé une des clés du succès du nazisme, c'est à la fois la terreur, mais la séduction aussi. Et que les jeux avec tout ce décorum, cette chorégraphie participe évidemment de cette construction. Und landen in einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Heil! Heil! Le documentaire, il y a plein d'écoles, il y a plein de genres. Il y a des gens qui sont très doués pour le cinéma direct, c'est pour filmer les gens. Voilà, c'est souvent le documentaire. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui, comme en littérature, je m'intéresse plutôt à l'essai, à cette forme qui est ni du roman, ni du document, qui est l'essai. Alors, on invente une forme pour dire les choses en même temps qu'on dit les choses. Mais je pense que ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais je pense souvent qu'en s'intéressant à ce qui s'est passé il y a 70 ans ou il y a 2000 ans, on parle très profondément, très précisément de ce qui est important pour beaucoup de nos contemporains aujourd'hui. Que la question des origines, elle est fondamentale. Vous savez bien toutes les histoires autour de l'islam. Enfin, et donc, s'intéresser, prendre à bras-le-corps le texte du Coran écrit au 7e siècle de notre ère, c'est-à-dire il y a longtemps, c'est être dans l'actualité, je pense. Pas de façon artificielle, de façon de se dire ce texte, il a été écrit dans un certain contexte, on ne sait pas bien lequel, on va essayer de le reconstituer et on va à travers cela voir comment ensuite ça a généré tellement de violence, tellement d'incompréhension, tellement de lutte de pouvoir. Et donc faire ce travail de retour aux sources, il est actuel. Voilà. C'est un mot de la fin formidable. Je ne l'avais pas fait exprès, mais merci. Et à Berlin, le spectacle des Olympiades se prépare. L'État s'empare des athlètes en lieu et place des clubs sportifs. Il prend directement en main leur recrutement, leur sélection et leur entraînement. Les athlètes sélectionnés reçoivent un passeport olympique qui leur permet d'avoir les transports, la nourriture, l'hébergement, les frais médicaux, gratuits, ainsi qu'une compensation de leur salaire, ce qui n'en fait plus vraiment des amateurs, comme le voudrait le règlement olympique. Les Jeux de Berlin sont un champ de bataille, une bataille que l'Allemagne nationale socialiste doit gagner. Demain, nous serons à nouveau avec Jérôme Prieur, non pas dans ce séminaire, mais en studio. Au micro d'Histoire vivante, le réalisateur viendra nous parler de deux nouveaux objets, un livre et un documentaire. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Moreroux. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.